ルに浮かんで消える憎い暗中症の顔めがけ叩け叩け叩けおいらにゃ獣の血が騒ぐだけどルルルルルルルルルル明日はきっと何かある。明日はどっちだ。 Et voici le top 5 du mois avec Inazuma Eleven sorti en 2008 que je conseille énormément aux plus jeunes. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a pas mal de saisons et c'est un animé intéressant vu que c'est du foot. Et voici l'opening japonais numéro 1 et l'opening français numéro 1. Got it.